Je vais chercher mon homélie, sinon ça va être trop court. Vu que je ne veux pas que ça soit trop court, je prends mon texte. Alors, bienvenue dans la suite de notre série intitulée « Rénovation, un été pour se restaurer ». L'été, nous le disons depuis quelques dimanches, c'est le temps des rénovations de maisons, des rafraîchissements de peinture, des déménagements, des plantations et autres. Bref, on rénove. On enlève du vieux pour mettre du neuf. Et nous nous sommes demandé à travers cette série comment nous investissons notre propre restauration, rénovation intérieure, puisque l'été est un temps propice pour cela. Il y a deux semaines, nous avions évoqué notre corps, le corps comme ce premier lieu dont je suis appelé à prendre soin, ce don de Dieu qui m'est fait, ce temple de l'esprit, dont j'ai la responsabilité. Et c'est par lui que je commence par me restaurer et me ressourcer. Dimanche dernier, à travers la figure du Samaritain en voyage, nous avions vu comment les vacances, cette période de l'été, est l'occasion de se faire plaisir, de se laisser restaurer par le plaisir, mais non pas en choisissant le plaisir pour lui-même, mais en accueillant le plaisir qui découle de l'objectif d'été que je me suis fixé. Lorsque je choisis un objectif pour mon été, pour mes vacances, pour mon temps de repos, que je sais ce que je veux, alors il est à parier que je recevrai un couronnement, un fruit de cet objectif qui me donne du plaisir. Et oui, le plaisir va également me refaire. Si vous avez manqué ces deux premiers épisodes, vous pouvez les retrouver sur le site de la paroisse saint-thomas-d'Aquin.qc.ca. Vous pourrez rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, nous continuons à apprendre à nous restaurer, car comme nous le disons depuis le début de cette série, se restaurer, ça n'est pas inné, ça s'apprend. Et de même que pour la rénovation d'une maison, il faut entreprendre, il faut prévoir, il faut planifier, il faut investir. Bien de même pour notre propre restauration. Nous apprenons, nous investissons, nous entreprenons. Alors que nous apprennent les textes de la liturgie de ce dimanche? Puisque Dieu est ce divin entrepreneur qui, avec nous, veut entreprendre notre restauration intérieure. Dans les textes de ce jour, il est question d'invitation. D'invitation d'étrangers qui même s'avèrent être plus que des étrangers, de simples étrangers. Abraham, en première lecture, offre l'hospitalité à trois étrangers, trois jeunes hommes qui sont porteurs d'une promesse pour lui et qui vont lui annoncer cette descendance que Dieu déjà lui-même lui avait annoncé. Marthe, dans l'Évangile, comme bonne maîtresse de maison, conduite par un bon sens de l'hospitalité, reçoit Jésus, sans mesurer qui elle accueille chez elle. Et elle permet ainsi à Marie de goûter à une présence ressourçante. Il y a donc dans ces textes parallèles, il y a dans ces visites à la maison, dans ces accueils, il y a le passage de l'accueil d'un étranger à l'accueil d'une présence qui devient bienfaisante et ressourçante. La parole de Dieu, donc, en ce dimanche, nous enseigne quelque chose sur le ressourcement par l'autre, dans la relation. Nous savons que l'hospitalité dans la tradition biblique et toute la tradition chrétienne est une expression de la charité. D'ailleurs, en cette année de la miséricorde, ce jubilé de la miséricorde, le pape François a dépoussiéré pour nous les œuvres de miséricorde, et trois de ces œuvres de miséricorde concernent l'hospitalité, à savoir nourrir l'affamé, abreuver l'assoiffé et accueillir l'étranger. Et il me semble qu'il y a probablement un événement providentiel dans l'histoire de l'humanité en ce moment même où, depuis que nous dénombrons les réfugiés à travers le monde, le chiffre n'a jamais été aussi grand. Je regardais les chiffres par curiosité et j'ai été pris de vertige entre 2005 et 2015, le nombre de réfugiés dans le monde est passé de 19 millions à 56 millions en 10 ans. Et parmi ces 56 millions, 11 millions sont des Syriens. Les chiffres donnent le vertige. Et certainement, cette réalité, c'est une réalité, c'est un fait, qu'on le veuille ou non, est une invitation à travailler notre hospitalité, ou en tout cas à nous en poser la question, et à dépasser nos peurs. Même si l'actualité récente dans le sud de la France est venue peut-être exacerber ces peurs. Car l'hospitalité vient déranger, oui. L'hospitalité, pourtant, comme nous le dit l'Écriture, est aussi source de grâce. Et la lettre de l'Hébreu le dit à sa manière. N'oubliez pas l'hospitalité, elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. On pense à Abraham, qui a reçu ses trois hommes, figure céleste. On pense à Marie, qui a accueilli Marthe, qui a accueilli Jésus en son foyer. Sans le savoir, on peut recevoir des anges. Alors si la tradition encourage l'hospitalité, c'est qu'elle est bonne, bienfaisante et ressourçante. Et pour jouer avec les mots, on peut même dire que celui qui reçoit est celui qui reçoit. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais celui qui reçoit quelqu'un chez lui est précisément celui qui va recevoir de cet invité chez lui. Autrement dit, donner en apprêtant, en faisant que tout soit bien pour l'invité, permet de recevoir plus et beaucoup. D'ailleurs, la langue française a permis et a rejoint cette particularité par le mot « hôte ». Le mot « hôte », il désigne à la fois la personne qui reçoit chez elle et la personne qui est reçue. Comme si, entre celui qui reçoit et celui qui est reçu, il y avait une inversion ou un mariage ou un lien intime. Effectivement, il y a un lien fort. Mais trop souvent, nous distinguons, et nous le voyons bien dans cet évangile, nous distinguons, comme dans la maison de Lazare. Il y a celle qui invite et qui va gérer la logistique de l'accueil, et puis il y a celle qui va réellement bénéficier de l'invitation et de l'invité, c'est Marie. Ça me fait penser à une soirée chez des amis qui avaient invité pas mal de monde, et le mari vient voir son épouse légèrement angoissée et se disant « Chérie, il n'y a pas assez de breuvages, là, ça ne va pas, il faut aller chercher des breuvages. » Et puis sa femme de lui répondre « Mais on est bien là, chérie, reste tranquille. » On voyait un petit tempérament de Marthe et de Marie se profiler. C'est que souvent, effectivement, il y a ce double mouvement dans l'hospitalité. Il y a l'art de recevoir, qui peut être source de tension. On veut que tout soit bien, même parfait, que tout soit arrangé. Et ça génère une certaine agitation. Et puis, il y a l'art d'être bien avec. Autrement dit, de bénéficier de la présence de l'autre. De vivre le moment avec celui qui est là et qui nous enrichit de sa présence. Et ces deux mouvements sont pourtant complémentaires. Il s'agit et de recevoir l'invité et d'être bien avec lui, de donner et de recevoir. Car sans Marthe, Marie n'aurait jamais eu l'opportunité d'être assise aux pieds du Seigneur Jésus. L'exercice de l'hospitalité, c'est l'art de se ressourcer auprès de ses invités tout en les servant. L'art de se ressourcer auprès de ses invités tout en les servant. Et cela demande un objectif clair. Qu'est-ce que je veux vivre vraiment avec les personnes que j'accueille chez moi, avec cet ami ou cet étranger? Généralement, on veut prendre un bon moment avec celui qui est là. Mais dans le contexte de toute l'organisation un petit peu logistique, le souper à préparer, la table à apprêter, puis avant, il fallait préparer les achats. Bref, on finit par mettre notre objectif sur le moyen. Alors que la logistique était là pour donner l'ambiance et le contexte idéal pour une belle rencontre, le moyen va devenir la fin. Je vais mettre tout mon paquet, toute mon attention sur l'atteinte de la perfection du souper, surtout que le dessert soit à point. Alors là, dans ce cas-là, on est un peu comme Marthe, on est accaparé, tiraillé, dispersé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Je pense que ça arrive à toute personne qui reçoit chez elle. Eh bien, il faut renoncer. Renoncer à quoi? À la perfection. Renoncer à la perfection. Difficile, ça. Quand on accueille chez soi, on veut que tout soit bien. Mais il faut accepter peut-être que tout n'est pas rangé parfaitement, que les cadres au mur sont un peu dérangés, que les enfants vont peut-être venir à un moment donné faire un peu de chahut dans la soirée. Bref, il faut accepter que tout ne soit pas parfait et rechoisir son objectif. Autrement dit, être avec l'autre. Mais être avec, cela, effectivement, demande de montrer sa vulnérabilité, d'accepter, en quelque sorte, que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin que l'autre soit là. Je lui montre qu'il est important pour moi. J'arrête de faire mes affaires et je me laisse, comme pendant ce temps qui m'est offert, comblé par sa présence. Je me laisse satisfaire par lui. Autrement dit, j'accepte de montrer un certain besoin. Et je pense que la difficulté est là, passer de celui qui donne, parce qu'il reçoit l'autre, à celui qui accepte de recevoir de l'invité. Alors c'est tout un passage à vivre, et cette connexion à son être profond, à son besoin profond, elle est vraiment bienfaitrice, elle est réparatrice, elle est restauratrice. Je me connecte à ce dont j'ai le plus besoin en moi, c'est d'être avec un autre, de partager. Et c'est pourquoi Jésus a bien compris que pour évangéliser, il fallait aller dans l'intimité des gens. Il fallait aller chez les personnes. Il fallait s'inviter chez eux, dans leur foyer, et pas aller au restaurant avec eux, mais être chez eux. Parce que là, je montre une vulnérabilité. Là, j'ouvre mon intimité. Là, je me laisse rejoindre et atteindre, et même toucher. Nous voyons donc, frères et sœurs, que cette belle attitude de Marie qui va vivre ce lien intime, profond avec le Seigneur Jésus, elle est inspiratrice. Parce qu'elle nous aide à passer de cette agitation à cette grâce d'être avec l'autre. Cette grâce de partager cette présence de l'autre, de goûter à sa présence. Alors, frères et sœurs, dans ce temps de l'été, alors que nous recevons des amis, des gens qui sont de passage, eh bien, nous voyons ce que nous avons à faire. C'est à la fois, oui, de bien les recevoir, je vous le conseille quand même, sinon ils ne seront pas très à l'aise, comme Marthe, mais à un moment donné, il s'agit de faire le passage à la disposition intérieure de Marie, qui, elle, se satisfait de l'invité. Elle se laisse combler par la présence de l'invité. Elle est bien avec lui. Et cette attitude est certainement un entraînement pour accueillir Dieu plus profondément dans notre cœur, dans notre intimité. Si je m'entraîne à accueillir correctement mes amis, mes invités, alors je vais être disposé à me laisser rejoindre par le Seigneur. Je vais accepter de lui montrer ma vulnérabilité, mon besoin de lui, ma soif de lui. Mon cœur blessé qui a besoin d'être comblé par lui. Je vais accepter de lui montrer la porte par laquelle il va entrer dans ma vie. Alors entraînons-nous dans cet été pour nous laisser ressourcer. Oui, par les autres, mais éminemment par la présence de Dieu, qui n'attend qu'une chose, c'est de demeurer en nous. Heureux qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte. Il a trouvé son bonheur et sa joie.